En Corée, le secteur de l'industrie métallurgique redynamise la production des matériaux en fer et en acier nécessaires à la construction des maisons d'habitation des régions sinistrées au nord de la province du Hamgyong du Nord. Le complexe sidérurgique de Fange et le complexe d'acierage Cholima sont à la tête de la production, alors que le complexe sidérurgique Kimchae a augmenté la production à plus de 190 tonnes pour les régions sinistrées. Le complexe minier de Musan, la mine d'Ungnyeol et la mine de Taeryong ont dépassé le plomb de la production à 1,2 fois pour fournir les matières premières nécessaires à la production des matériaux en fer et en acier au centre métallurgique. Par ailleurs, le département des chemins de fer de Pyongyang et les autres assurent en priorité le transport des marchandises au nord de la province du Hamgyong du Nord.